bout de la guitare et il te casse les dents. Qui c'est mon amour? De l'encre des barbares, ils adorent la baston. Qui c'est mon action? Ils ne sont pas malins, mais ils sont très méchants. Qui c'est mon amour? À coup de riff malsain, il faut monter le son. Tout comme un vent putride, sorti du grand colon. Tu es celle qui signe de la cible, non moins nauséabond. Ils font tomber les mouches, sans avoir à se forcer. Et quand ils se mouchent, le bruit n'est pas polissé. Tu les serres du saucisson entre les radiches. Des caries qui baignent dans une mer de pastiche. Avec des cahuètes. Leur haleine est fétide et leurs postillons sont amers. C'est un réel homicide. Leur hygiène bucco-dentaire. Leur kiff à eux, c'est le concours d'auréoles. Les rives douteux et les chants de casseroles. Ils cognent sur les fûts et puis ils potifèrent. Les odeurs incongrues, les enveloppes de mystère. Que c'est ton des pieds, mais c'est la faute des chaussures. La véranda est minée de diverses pourritures. Les squamates se pompent parmi les micro-organismes qui vibrent à l'unisson entre deux cataclysmes. QSM est mauvais, QSM sans le vomi. Sans le vomi. QSM est laid et rote du salami. QSM te lave, te crotte et te fait des misères. QSM sur la chatte, tartiné de camembert.